ASMR Beat Making。 Y'a tout ce qu'il faut ici, Pelosi, tu hawes. Je n'y reste plus parce qu'il faut du khalis. 24 piges, mon pote, laisse-moi loin du Dallas. En d'aller, viens, suis-moi, on va niquer ta race. Je veux la coupler, Aziz, comme elle phénoméno. M'en aller loin sous caramello. Je veux vivre ma vie peinard sans rester les guidés. Relever la tête si mes projets tombent à l'eau. Mais c'est pas fastoche, sur moi y'a trop de rimes. Trop hnine, on dit que c'est mon défaut. Moi, c'est pas ce que je veux, toi t'attends qu'on te signe. Ça te saigne et ça recommence à nouveau. Plus le temps il passe, plus j'augmente le niveau. Plus je prends de l'ampleur, plus je me fais des rivaux. Je fais du son, j'ai perdu des amis, c'est juste notre amitié, bah c'était du mytho. Rouge couture, grosse marque, c'est tout ce qu'ils veulent. Pour les dollars, mes 40 j'ai par balle. Ramène à ta vie quand tu te retrouves seul. Pour les frères qui triment pendant que tu pars en salle. Hein, je vais de l'avant parce que dans le passé j'étais déçu. Tu racontes tous tes soucis, après tu te plains que ça te tombe dessus. C'est ça les gens, ils jactent, ils s'inventent un vécu. Ils font de la peine une fois qu'ils voient qu'il n'y a plus d'issue. À l'ancienne, à la caisse, c'était l'un pour l'autre. Aujourd'hui, bah c'est chacun pour soi. Entre gros, ça se pense et c'est plus l'époque. Que la dupe, c'est du n'importe quoi. Y'a la partie civile, nous dans la partie sombre. Aucun problème pour eux dans la répartition. Arabe et noir dans les mêmes arcades. Le moral cassé, y'a pas de réparation. Y'a la rapta qui glisse, mandat disjoncté. Contre l'État, on est plus de 10 contre eux. Moi, c'est depuis que je suis petit que j'ai envie de chanter. Mais toi, tu m'aimes pas et moi, même pas, je t'en veux. Hein? D'avant parce que dans le passé j'étais déçu. Tu racontes tous tes soucis, après tu te plains que ça te tombe dessus. C'est ça les gens, ils jactent, ils s'inventent un vécu. Ils font de la peine une fois qu'ils voient qu'il n'y a plus d'issue. Je vais de l'avant parce que dans le passé j'étais déçu. Tu racontes tous tes soucis, après tu te plains que ça te tombe dessus.